Depuis 8 jours, les grands comme bien, ils ont pour mère un pharmacien. Et pour eux, cela va très bien. Car désormais, les constipés, ceux qui ne peuvent pas chier, n'auront plus besoin d'une poire. Ils iront vite à la mairie pour chercher un suppositoire. La première, celle-là, c'était pour le maire. Maintenant, c'est pour le conseil général. Dans un petit canton du Gard, lors des élections cantonales, un pharmacien se présentait contre le candidat de l'International. Malgré bien des cachotteries, bien des conciliabules, ce fut le pauvre pharmacien qui lui a avalé la pilule. C'était en quelle année, ça? Les dernières élections qu'il y a eu, moi, on peut le pas. Ah, c'était pour les dernières? Les dernières. Ah, ouais. Depuis plus de 5 ans, siège à la mairie, parce qu'il y a une donnée, à la mairie, un petit cagoulard qui se croit tout permis. Certes, il n'est pas d'accord avec Madame le maire. Ce qu'il y a entre eux, on ne le sait vraiment, mais il se pourrait bien qu'étant célibataire, il eût voulu un jour devenir son amant. Mais il ne savait pas, pauvre con qu'il était, qu'avec sa manie de manger le curé, du curé, les peuples levadois, les communistes en tête, lui feraient faire un jour la grande pirouette. Et c'était en 50 et quelques. Bon, on ne peut pas, moi. Robert était maire ici, mais elle avait remplacé M. Gurly. Mais je ne sais pas où je suis. Dans beaucoup de petits villages et beaucoup de localités, pour les hommes qui sont sans femme, il y a les prostituées. Qu'elles soient brunes ou qu'elles soient blondes, chacun la baise à son tour. Autour d'elle, c'est une ronde comme une nuée de vautours. Quand elle passe dans la rue, tout en tortillant du croupion, elle semble dire à tous les hommes, « Allez, viens, viens, mon mignon. Je te mènerai dans ma chambre, nous pourrons nous amuser. Et là, je te soulagerai les et ainsi que ton porte-monnaie. Et puis te reprendre dans la route, plus léger, le corps content. Et tout bas, tu te diras sans doute, baiser c'est cher, mais c'est doux pour toi. » Passons-le pour voir un peu comme ça.